envie de m'évader. Sous ton joint, fais-moi bédave. Ils me disent que c'est lourd. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas. Je vis ce qui leur galère. Sur tes mains, casque intégral. Y'a trop de jaloux. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas. Ils sont mouillés pour toi. Mais à l'heure de l'audition, t'as bravé. Elle a un H24 sur le trottoir. Sa daronne qui fait coucher son bébé. Le produit est trop fort, t'as fait une OD. Les inspecteurs se mettent à enquêter. Dans 2 ans, ils viendront te péter. Ils te suivent, ils s'habillent en pépé. Y'avait personne quand j'ai fait le gâteau. Mais ils ont tous envie de manger. Je prends tout, je dis pas merci. J'ai jamais rien demandé. Pour du bif, tu me tends la main. Mais tu veux pas m'en monter. Ça m'arrive de faire des nuits blanches quand le chocan n'est pas rentré. J'ai envie de m'évader. Sous ton joint, fais-moi bédave. Ils me disent que c'est lourd. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas. Je fais ce qui la galère. Sur tes mains, casque intégral. Y'a trop de jaloux. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas. Bien joué de sortir du placard. La plupart de tes poteaux t'ont lâché. On l'a vu faire la folle dans les boîtes. T'inquiète, on a pas oublié ton passé. Tu fais le fou, tu racontes des histoires. On sait tous que c'est pas toi qui l'as fait. J'ai fait 10 000 E en 6 heures. Et mes ennemis d'à côté sont fâchés. Y'a ceux qui me détestent et ceux qui m'aiment dans la tête. Bon joueur, pas de place pour tout le monde sur l'inter. Y'a que la daronne qui pourra soulager ma plaie. Et si ça m'aime, autour de moi y'aura que mes refrains. Envie de m'évader. Sous ton joint, fais-moi bédave. Ils me disent que c'est lourd. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas. Je fais ce qui la galère. Sur tes mains, casque intégral. Y'a trop de jaloux. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas. Déchets qu'au fond, ils m'aiment pas.